Aymeric, joue cette mélodie, cette douce mélodie, qui ne me donne pas envie de rapper, mais juste parler, juste dire ce que m'inspire la vie. La vie est, la vie c'est. Quand je me rends compte à quel point on peut aimer la vie, je m'étonne quand je constate à quel point on est attaché à la vie. On s'y accroche, on s'y agrippe fermement. Pourtant, la vie n'est pas faite que de bons moments. Mais malgré tout, on l'aime. Et pour ne pas la perdre, on perdrait beaucoup. La vie, car la vie est. La vie est. La vie est. La vie c'est. La vie est comme ces fruits dont le goût est sucré puis soudainement amer. Elle n'est ni noire ni blanche, non. Elle est beaucoup plus complexe que cela. C'est un remarquable mélange de douces saveurs à d'autres fortement épicées. Un métissage entre le bien et le mal, entre l'agréable et le détestable, entre l'acceptable et l'inacceptable, entre le vrai et le faux, entre l'illusion et la réalité, l'espoir et la crainte. La vie peut être comme un film sans surprise, car il peut nous sembler que ces jours se suivent, se répètent, se suivent, se répètent et se ressemblent, se suivent, se répètent et s'ajoutent les uns aux autres. Mais parfois, parfois, la vie te surprend, te remue, te secoue. Et les vagues de son agitation te submergent d'émotions. L'action succède au calme. Le silence est recouvert par le vacarme. Les choses se bousculent. Tout va presque trop vite, te laissant peu de temps de réflexion. Les éclairs de la vie foudroient la monotonie de ton existence. La tempête de la vie dévaste tes habitudes, tandis que son vent désoriente tes points de vue. Car la vie pour nous, ce sont les changements. On aime, on n'aime plus. On se sent bien, on se sent mal. Du bien-être, on passe au mal-être. Des pleurs, on passe à la joie. De la joie aux larmes et de tristesse. Puis des larmes de tristesse aux larmes, des éclats de rire. La vie, quoi. La vie, quoi. La vie n'est pas la même pour tous. À bas la démagogie, non. On ne naît pas tous égaux. On ne s'engage pas dans la bataille de la vie avec les mêmes armes. Car la vie, c'est les pauvres et les riches, les beaux et les laids. Les gens drôles, intelligents, captivants, brillants. Et les gens vides, insignifiants, qui semblent n'avoir rien à nous apprendre. Peut-on parler de vie sans parler d'amour, mais... Peut-on parler d'amour sans parler de souffrance? Non, excusez-moi. Dans l'amour, c'est vrai qu'on peut aussi entendre confiance, soutien et consolation. Pourtant, on s'aime, on se déteste. On s'aime, on se déteste. On se quitte, on se rattrape. Mais on s'aime plus. On se quitte, on se rattrape. On se rattrape, on se quitte. Alors qu'on s'aime encore. On se quitte, on se rattrape. On s'aime, on se déteste pour finalement admettre que la vie c'est nous deux. La vie c'est... La vie c'est les rencontres et les ruptures. Les liens qui se fragilisent, rongés par le temps. Les ex-amis qui deviennent nouveaux ennemis et dont la préoccupation première est de nuire. La vie c'est des sourires hypocrites, des poignées de main peu sincères, des je t'aime sans profondeur, des au revoir qu'on souhaiterait secrètement être des adieux. La vie c'est ce qui est vu et ce qui est caché, ce qui est caché. Alors ma vie c'est la solitude, le repli sur moi-même dans la tour des sentiments. Car la vie c'est la peur. La peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de mourir, la peur d'échouer, la peur de l'inconnu, la peur des blessures physiques et morales, une peur se greffe à une autre, qui elle-même se greffe à une autre, et finalement, on peut passer toute une vie à avoir peur, et ça, c'est dramatique. La vie, c'est... La vie, c'est... La vie, c'est les regrets, cette impression d'avoir manqué le coche, d'avoir mal agi jusqu'à éloigner les plus proches. La vie, c'est... Ces tournants qu'on prend délibérément ou involontairement ou inconsciemment qui nous amènent au tourment. La vie c'est Cette angoisse qui nous paralyse perturbe notre analyse. Et c'est là que la vie nous dévoile nos faiblesses. Elle nous apprend que seul on n'est pas grand chose. Et qu'au fond la vie c'est les autres. La vie est comme un jeu d'échecs parfois. Une partie très serrée entre nous et nos pulsions. Et la vie c'est le temps qui passe. C'est vieillir, perdre sa jeunesse, mûrir, perdre son innocence. Plus l'on vit et plus nos yeux s'ouvrent sur la réalité de cette vie. Et aucune fiction n'est plus intense, plus douloureuse que le film de cette vie. Et oui, vivre, c'est se rapprocher sûrement de la mort. Il y a tant de choses à dire sur cette vie que je pourrais noircir des kilomètres de pages blanches. Car la vie, certains meurent sans en comprendre le sens. Comme si la vie était une question sans réponse. La vie, la vie, la vie.